Bonsoir, on enchaîne ce soir Bigfoot et dessin de pénis. Et pour cet épisode spécial homme cis blanc hétérosexuel, vos chroniqueurs Emmanuel Côté-Séguin, Alex Sarfati, Simon Payton, Jean-Sébastien Godette, Mathieu Boutreau, ainsi que nos invités, les amis de Gaboum Film en direct du Brouhaha à Montréal, c'est 70%. T'es pas le meilleur amant, mais t'es quand même performant. T'es pas au premier rang, mais t'es quand même un gagnant. Tu scores pas à tous les matchs, mais tu vas tout le temps d'un coin. T'es pas un premier de classe, mais tu poches pas l'examen. Tu donnes pas rien qu'à moitié, tu donnes à 70%. C'est la note de passage, c'est très satisfaisant. 70%. Quand j'ai ça dans mon bulletin, mon père est content. Y'aura jamais ton nom gravé sur un monument, mais y'a ben des matantes qui veulent t'avoir comme enfant. T'auras jamais de score, mais t'as eu des premiers rôles. T'es pas un grand farceur, mais tes histoires sont ben drôles. Tu donnes pas rien qu'à moitié, tu donnes à 70%. C'est la note de passage, c'est très satisfaisant. 70%. Quand j'ai ça dans mon bulletin, mon père est content. 70%. Merci à Jonathan Simon, quel incroyable travail. Il a composé la chanson pour le show d'asseoir. Un nouveau asseoir de ce soir. Ben oui, on est dans le show qu'on est en train de vivre. Non, je veux dire, il l'a composé ce soir, je pense. Ah non, non, je pense qu'il travaille là-dessus. Tu sais comment il est anxieux puis qu'il aime ça qu'on en parle en public de ça. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Jonathan Simon, qui va être notre house band pour la soirée. Tout de suite, en commençant, ça me fait plaisir de remercier aussi l'équipe technique. Faut pas oublier, parce que sans le travail de Steph Mallette et de Olivier Sirois là-bas, il n'y aurait pas de 70% ce soir et on sera obligé de ne pas parler à nos invités. Et ça, ça serait mal. D'ailleurs, pendant la soirée, on va avoir une primeur pour vous, hein, Bruno? On est allé hier se faire voler nos idées par un réalisateur international. Exactement, oui. On est allé à l'usine de films amateurs de Michel Gondry. Donc, c'est ça, on est allé faire un film pour Michel Gondry qui appartient maintenant à Michel Gondry et qui se représentait en première mondiale ce soir, ici. Ça s'appelle « Les chemins de Manchu ». Parce que les deux premiers thèmes de films qui sont sortis, c'est Kung Fu et... Télénovela. C'est ça, télénovela. Donc, c'est une télénovela de Kung Fu, tournée en québécois avec des personnages avec des noms espagnols dans un village asiatique. Village asiatique. Ben, avec les décors qu'on avait. Oui, on a bien hâte de vous montrer ça tantôt. Merci à toute la bande de 70% qui sont venus. Valérie, très charmante servatrice, peux-tu nous amener deux pintes de dernière émission? Ben oui, c'est sûr, c'est la dernière mission. D'ailleurs, on va les saouler, c'est nos amis de... Vous les avez vus, hein? Ils sont entre moi et Bruno, vous les avez vus, hein? On dit salut à Gaboum Film, tout le monde, s'il vous plaît. Allô. Ils sont incroyables. Vous avez réinventé la viralité au Québec. On a refait sortir le terme de 2007. On l'a déterré, puis on l'a ressorti. Ben oui, ben oui. Blaster, on a notre signe. Ben oui, on le fait avec toi? Ah oui, c'est le V de viral que je peux garder. Le grand parce que V. Je porte un veston. J'aime aussi le hashtag V majuscule, là, c'est parfait. Ça. C'est ça, il faut ce qu'il faut. Sinon, moi j'aime tout le temps ça, les origin stories. Toi, tu t'es fait mordre par une araignée, puis toi, t'es tombé d'un rayon gamma, genre. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis pas sûr. Ouais, vas-y avec ton histoire d'araignée, ça m'intéresse. Bon, histoire d'araignée. Est-ce qu'il faut que je raconte ma vraie histoire ou la fausse? Ben, c'est ta préférée, là. Tout le monde écoute. Si la vraie est plate, vas-y avec une fausse. Ben, écoute, tu veux. Parle plus fort dans le micro, là. Allô? C'est ça. Ah, parfait. Allô? Tu peux l'accoter sur ton menton, comme ça, c'est un truc de pro, ça. Ah, comme merci. Ça, tu parles jamais de la joue. Ah, c'est parfait, ça. Non, oui, ben oui. Fait que vas-y, parle-moi. Un peu de moi, de nous. Comment ben là, t'as quel âge? Moi, j'ai 24 ans. OK. Ici, rappelle à tout le monde que t'es un newfie. Oui, je veux le rappeler à tout le monde. Je suis un newfie russe. Je sais pas... Ah, ça explique le nom de famille imprononçable. Oui, oui, c'est ça. C'est okay. Newfie, ils ont décidé ça. C'est, mais newfie, tu veux dire de Terre-Neuve, là? Oui, de Terre-Neuve. T'as-tu déjà été là? Je suis né là. Wow! Ah, wow! Ouais. Wow! Capoté. Avec les jokes de newfie à soir, on peut se gâter, là, si vous en avez. Tu sais que j'ai le droit de les faire. Ouais, je suis, c'est le N-word. Le N-word! Et puis, vous vous êtes rencontrés où? C'est quoi? C'est très gay comme... Ouais, ben, c'est arrivé un soir dans un chalet, j'y lançais des Smarties dans la bouche, puis ils attrapaient. Il faut le dire plus gay que ça. Kevin était très bon pour lancer, puis moi, j'étais très bon pour attraper des Smarties. Wow. Ah, ça marchait tout le temps. Ben, ça prend souvent ça, un giver puis un taker. Un top puis un bottom. Toutes les bonnes équipes, là, ouais, c'est sûr. Ça. Ouais. Et l'idée de venir faire des clips après ça, c'est quoi ça? Okay. Vous avez perdu un pari. J'ai 29 ans, toi t'as 24. En tout cas, il y a 50. Ça fait 50 moins. Hein. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a 50 moins que moi. J'ai commencé à vouloir faire des films. Tu nous faire 29 moins 24 en pleine face? L'entraînement de police. Hein? Fait que c'est ça. Moi, je suis sorti d'un film de Star Wars à 15 ans. Je me suis dit, hey, je pourrais faire des films. Fait que là, j'ai quitté mon père. Mon père m'a acheté une caméra à la fête d'un de mes amis. C'était très drôle. Genre, il est arrivé à la fin, venait me chercher. J'avais 15 ans. Puis il dit, hey, bravo, t'as un cadeau. À la fête de ton ami. Fait que c'était ma première caméra. C'est quand t'es gâté, je commençais à faire des vidéos à ce moment-là. J'ai rencontré Andrew beaucoup plus tard. On s'est lancé des Smarties, comme on a dit un peu plus okay. tôt, dans nos bouches. Puis, mais c'est lui qui les attrapait mieux. C'est toi qui les lançais le mieux. C'est quoi votre processus de création? Y a-t-il quelque chose qui s'est tassé avec le temps? Là? Genre, faut boire chacun un crème soda puis qu'on regarde par la fenêtre? On s'en va chier. On s'en va chier constamment. C'est comme ça qu'on fait des films. Sinon, un de nous autres, là, la moitié, ça fonctionne pas. Fait qu'il faut qu'on arrive avec une idée, puis là, on n'arrête pas de s'envoyer chier jusqu'à temps qu'on arrête. Pis c'est là que l'idée est bonne. Ça fait penser à votre clip de Saint-Léonard, là, les Italiens. Oui, exactement. Fuck you! Ouais, c'est ça. Vous avez juste comme appliqué la formule devant la caméra. Ouais, exact. Mais, ouais. Ben, ça dépend. C'est en gros, à cette époque-là, l'époque de Fuck You, en fait, Andrew est en train de croire un peu moins dans le projet Gaboum Film. Puis moi, je suis arrivé avec cette idée-là. En fait, je me suis inspiré de mon oncle. Ma tante québécoise s'est mariée avec un Italien. Puis c'était très drôle parce qu'il mélangeait le français, l'italien, l'anglais dans la même phrase. Puis il finissait avec What the fuck, tabarnak. Puis il disait tout le temps tabarnak. Puis c'était très drôle de l'entendre. J'ai voulu rendre hommage à ça. Fait que là, cette journée-là, quand j'ai dit hey, faut qu'on fasse un film pour immortaliser les Italiens de Saint-Léonard, où j'ai grandi. J'ai dit ça à Andrew, puis là, quand on a décidé de faire la vidéo, moi, me rendant chez nous, j'ai vu exactement la scène arriver devant moi. Là. No joke. Y a tu un veux gars dire qui c'est arrivé pour vrai? Oui, oui, il y a un gars qui est sorti, il s'est fait couper. Moi, j'étais à la lumière rouge, là. Je vois deux Italiens se couper. Il y en a un qui sort de son char, « Fuck you! » J'ai fait, ah, OK, c'est sûr, il faut que je fasse la vidéo. Mais le résultat est quand même bon. Tu dis, avant ce clip-là, Andrew y croyait moins. C'est parce que ce clip-là, c'est un moment charnière dans votre aventure? Ou... On a eu tous les deux des moments, c'est sûr. C'est pour sûr que ça sert une équipe. Oui, ben, c'est sûr que tu sais quand tu fais pas ça de ta vie, nécessairement, tu as un job, tu as une vie, c'est dur de se motiver pour toujours faire des vidéos. Donc, on a chacun eu des moments où est-ce qu'on était... moins motivé, puis un travaille plus que l'autre, mais en étant deux, ça fait en sorte que le projet continue, puis on est où est-ce qu'on est aujourd'hui à cause de ça. Bonne viral. Affaire. Viral. Là, viral. Ça, est-ce que tu as démissionné de ta job de serveur? Ou? Ma job de serveur. Ben, d'habitude. C'est comme j'y allais selon les probabilités. Non. j'ai une job beaucoup plus plate que ça. On la salue? Ouais. Je travaille dans l'industrie de... Dans l'industrie? Non, mais si t'es gêné d'en parler, banquier, on peut juste aller voir ton Facebook. On va stripper, tu strippes le monde financièrement. Je strippe le monde financièrement. T'es un huissier. Dans le monde de la finance, non. Il y a un de mes amis à Rouen, il voulait être ça quand on avait 8 ans. C'est un Chris de weird. qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Moi, c'était astronaute ou avoir un dépanneur. Lui, il voulait être huissier, puis il n'y avait pas de plan B. Là. L'autre à côté, il voulait être cowboy, puis. Hey, voyons donc, sabristi. Toi, c'est quoi, là? C'est pas huissier? Non, non, je dis, je suis dans la finance. Je suis dans le monde de finance. Kevin n'était pas huissier. J'aime ça, dis de même, c'est bon, ça? Non, non, mais c'est sûr, c'est ça. Ça sonne encore plus douchebag que banquier, hein? Ouais, ouais. Non, banquier, c'est la blague, là. Et puis sinon, là, c'est l'explosion. Il parle même de vous en France. C'est capoté. Vous avez mis le Québec, le web du Québec sur la map en France. Le Québec Invasion. Ben oui, ben oui. Et d'ailleurs, j'en ai une pour vous autres. Ben vas-y. Ah non, okay. Faut-tu qu'on se retienne de rire? C'est quoi un chien de magicien? C'est quoi? C'est le Labracadabrador. Wow. C'est ce qui était bon, hein? Parce qu'on est allé au FME. Puis on a copié. Ben, on a copié. On a fait des combats de blagues, là. Ben, est-ce qu'il faut vous envoyer de l'argent si on fait des combats de blagues? Il y a pas, parce que j'ai vu les Retten Link, non, c'est Les Fine Brothers qui ont comme copyrighté des React. Reaction 2, là, React. Ouais. Là. Attends, ils l'ont. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ben, ça fait un petit bout de ça, là, quand même, là, on est loin. Là, c'est vrai, je pense que YouTube s'en est remis depuis. Ouais. Est-ce que vous avez des projets de faire déborder ça de YouTube ou c'est la plateforme qui vous plaît? Oh, c'est moi qui va. Ben, en fait, je te dirais que ça va un peu dans tous les sens là, depuis que j'ai décidé de lâcher ma job pour me lancer dans YouTube et devenir un genre d'artiste. Là, on fait des vidéos. Mais parle de joke de papa. Ben non, pas juste joke de papa. C'est de savoir si on déborde la plateforme de YouTube. Fait ben que, oui, vous n'allez pas faire un long métrage de joke de papa. Là. Je pense pas qu'il y a. Non. De maladie. One. Le jeu de société. Le jeu de société de joke de papa qui va sortir en novembre. One, ouais, c'est capoté, ça. C'est quoi, vous étiez sous, vous avez sorti des affaires d'un chapeau, puis c'est tombé. OK, ça. Le fait qu'on soit sous, ça change rien, on l'est tout le temps. OK? On s'est juste fait approcher par Randolph un soir. On y avait pensé, là. On se dit, on va faire un jeu de ça, là, tant qu'à tout le monde. Oui, on a repris le concept des Américains, oui, la vidéo est devenue virale. Moi, alors, mais c'est pas eux autres qui ont inventé de faire des compétitions de blagues non plus. Là. Non plus. Ça existe en France depuis des millénaires. Non, non, il y a personne qui se fait infringer son copyright dans cette histoire-là. Mais on est quand même les premiers à penser à faire un jeu. Fait que, oui. En fait, on y pensait, mais c'est Randolph, ceux qui ont fait le style jeu, qui nous ont approchés. Là, on dit, hey, ça vous intéresserait-tu de faire. Ah, c'est eux autres qui ont fait ça. Ouais, c'est eux autres qui nous ont approchés. C'est vraiment une idée compliquée qu'ils ont eue. En tout cas, on est bien content que vous soyez avec nous, les gars. Moi, j'aimerais ça que on va setter ça. Là. Ils sont pas là, eux autres. Okay? On se parle entre nous autres. Oui. Ok. Joues-tu à Magic, Andrew? tu peux le dire. Faut-tu que je dise oui? Ben, tu joues pas, toi? Non. Ben, entre les deux, le plus. Non, mais le plus gamer, c'est lui, là. Non, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Une personne point, assez plate. Point, c'est tellement facile. Ouais. Et puis, sinon, je vous ai demandé un indicatif, ce serait le temps de le faire, là. Live. Attends. Faut qu'on le fasse là. Ok, ouais. On le fait. Let's go. Ici, Andrew et Kevin de Gaboom Film, vous êtes viralement en train d'écouter 70%! Hey, super! On manque des peintres, par contre. Hey, il a fallu qu'on se pratique. Là. Ah, ça a paru. On se regarde. OK, let's go. Là. Okay, ouais, c'est là que ça se passe. Et sinon, à partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont passer. Vous êtes nos invités. Vous parlez quand ça vous tente. On est bien content de vous avoir avec nous. Puis je vais vous faire une promesse tantôt. Pour l'instant, on applaudit Gaboom Film, s'il vous plaît. Plus fort! Mieux! OK, hey, on part, Jonathan. C'est bon en grand, Léon et Combe. Bon grain d'avoine et de maïs. C'est bon en grand, Léon et Combe. De grosses bouchées. De miel doré, drôle à manger, bonne à croquer. C'est bon en grand, Léon et Combe, les céréales on et Combe de Post. On est en train de faire quelque chose de bien important. On est en train de faire quelque chose de bien. Et voilà. Là-dessus, Bruno, amène-nous en nouvelles dans le monde de l'univers. Certainement. Un homme de Thousand Oaks, en Californie, a récemment été arrêté, accusé de fraude et de vol d'identité. Le suspect de 42 ans aurait contrefait 3 chèques cumulant un montant de 12 000 $ afin de s'acheter une voiture. Libéré sous caution la semaine dernière, la police a maintenant déterminé que le chèque qu'il avait utilisé pour payer ladite caution était également contrefait. C'est pas encore clair si le gars il a un avocat, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent. Il va y aller avec ses guts, si tu me défendre avec mes tripes. Il va peut-être faire semblant d'être un avocat, quelque chose. Un char à 12 000 $ aussi, tant qu'à frauder, il me semble, va plus haut que la Honda Civic. Là, en tout cas. Je pense qu'il achetait un SUV, mais écoute. Hein. C'est important, un SUV, quand t'as pas d'argent. Mm-hmm. Ben oui, go! Erwin Snijdens se considère comme un expert en éducation. Un de ceux qui ne fait pas confiance au circuit académique, mais plutôt à l'école de la vie, comme c'est écrit sur le profil Facebook de la personne que tu trouves cute. Hey, ça, c'est... Ouais. Lorsque le Torontois a trouvé une école qui voulait lui donner un diplôme sur Internet sans cours ou examen, en se basant simplement sur son expérience personnelle pour 8100 $, l'homme a sauté sur l'occasion. Coup de théâtre, le diplôme ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé. En effet, le businessman s'est fait avoir par l'un des milliers de moulins à diplômes que l'on peut trouver sur les internets. L'homme se trouve fâché et déçu de la tournure des événements. 70% vous rappelle que si vous êtes assez niaiseux pour vous acheter un faux diplôme sur Internet, vous n'êtes pas assez intelligent pour en obtenir un vrai. Bon, oui, c'est solide comme opinion, je pense. Et on s'en va. C'est weird, si tu me permets, je trouve ça vraiment weird que nous autres, à Montréal, on soit au courant de ces histoires-là. Depuis le début, ça me fascine. Ça s'est passé juste à Toronto, juste à côté. Juste à côté, j'en reviens. Je suis allé à Toronto. Ben oui, je sais, t'es allé. Capoté. Il y a une autoroute par-dessus une autoroute, une place. Tu nous as prouvé que la terre était plate en plus quand t'es allé. Oui, j'ai prouvé que la terre était plate sur une petite tranche. OK, go. On s'en va en bonne nouvelle, 70%. Hein, toujours un applause break pour les bonnes nouvelles. Hein? Ben là. Une mère de Caroline du Nord a récemment créé un push-push qui servirait à attirer Bigfoot. Le produit, qui sert aussi de chasse-moustique, aurait la capacité d'attirer tout Bigfoot à 2 km de distance. Lorsqu'on a demandé à la femme « Comment savez-vous que le produit fonctionne? » Elle répond en riant « Comment savez-vous que ça ne fonctionne pas? » Hey, c'est un hostie de bon plan de marketing, ça. Ajoutant, je pense que c'est assez de juste dire que ça attire Bigfoot. Moi aussi, je pense que c'est assez. C'est vrai, bon très bon plan de match. Oui. On ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Surtout si on dit que ça existe. Merci Bruno, on va te revoir plus tard dans l'émission. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Capoté. Ça commence-tu bien, ce 70%-là, ou ça commence pas bien? Super. Check bien. Touche à ça. J'ai pas trop envie. Pèse dessus. Pèse dessus. Vas-y, pèse dessus, sinon il continuera pas le show. Pèse plus fort. Pèse plus fort. Tiens, ça c'est le tien, Andrew. Il disparaît. Pour vrai, Andrew, ça fait du bien. Non, non, c'est pas avec ton doigt. Stress relief. C'est bon, ok, merci. Vous avez passé le test de la bulle. Eh ben, je pense qu'on est prêt pour la suite. Hein? On les a mis à l'aise. Vous êtes à l'aise? Est-ce que ton antitude horrifique, il tient? Ah, ça tient solide. OK, on est prêt pour le prochain. Déménager sans souci, déménagement, la capitale. Les meubles emballés, c'est garanti. Déménagement, la capitale. Un piano, des électros, une compagnie, un bureau. L'entreposage aux besoins, les garde-robes ne vous coûteront rien. Déménagement, la capitale. Déménagement, lacapitale.com. La capitale. Le meilleur bout de la toune, c'est vraiment quand il parle des garde-robes qui vont rien écouter. Tu vois qu'il ressort son cégep en chant, mon gars. Hey, anonyme. Bonjour, Tony. Salut, Bono. Salut, Cacaboum, film. L'heure est grave, Tony. Le monde est contrôlé à notre insu. Oui, les gouvernements ne sont que les marionnettes de ceux qui tirent les ficelles derrière les rideaux. Tirez sur le store, les pécores, la sombre noblesse, les vrais décideurs, les 13 familles les plus puissantes et les plus riches de la planète qui dictent l'ordre mondial depuis des millénaires, les Illuminati, Tony. Ça s'invente pas quelque chose d'aussi gros. Ils sont la continuation des religions mystérieuses ayant construit leur temple tordu sur les autels de cultes druidiques antédiluviens et sataniques. Ils doivent passer leur pouvoir occulte d'une génération à l'autre en tentant d'avoir des membres de sang pur. Ils programment les membres de leur propre famille au travers de rituels sataniques comportant des sacrifices de sang. Ils se considèrent comme des dieux depuis l'Antiquité. Ils sont liés aux chevaliers templiers, aux francs-maçons et autres cabales secrètes. Ils ont mené Hitler au pouvoir et ont contrôlé toutes les guerres jusqu'à aujourd'hui. Toutes. Tony, c'est sérieux ce dont je vous parle aujourd'hui. Pensez-y, les tout-petits. Leur pouvoir repose sur l'économie et l'occulte. Ils contrôlent toutes les grandes banques internationales, l'industrie du pétrole, les commerces et l'industrie du divertissement. Les élections des pays développés ne sont que poudre aux yeux, bilvésée et sempiternelle sornette, tous les candidats étant sélectionnés et sponsorisés par les lignées sanguines des 13 familles. C'est pour nous donner l'illusion qu'on contrôle notre destinée un petit peu, hein, qu'on nous permet de voter. Pipo, je vous dis, pipo! C'est comme le bouton pour fermer les portes plus vite dans l'ascenseur, là. Exactement. Le but du jeu est de créer un seul gouvernement global à un nouvel ordre mondial, avec eux au-dessus de la pyramide, pour diriger le monde dans l'esclavage et le fascisme. C'est un but très ancien, hein, qu'ils ont, et qui n'est pas destiné à être réalisé sur une seule génération, mais bien sur des siècles, voire des millénaires, Tony. Ces gens-là sont patients, mais l'industrialisation et l'ère des technologies de la communication sont en train de faire passer leur sombre projet à la vitesse grand V. Allumez les désemparés! Surveillez les Astor, les Bundy, les Collins, les Dupont, les Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyn et Mérovingien. Ils s'efforcent de faire entrer l'occulte dans nos vies, de préparer notre subconscient pour les jours à venir, sous leur férule principalement grâce à leur mainmise sur l'Hollywood et la distribution musicale. Pensez à des films, hein, comme Le Seigneur des Anneaux, E.T., le Da Vinci Code, des groupes de musique comme Black Sabbath ou les Rolling Stones. Connecter tous ces fils blancs, ça me donne froid dans le dos, Tony. La musique que les jeunes ont à écouter est totalement sans qualité et amène à la robotisation, l'apathie, la violence et les drogues. C'est aussi utilisé pour contrôler l'esprit. Ai-je vraiment besoin de vous dire pourquoi? Ai-je besoin de preuves plus accablantes? De preuves? Il était où, les preuves? Merci, Anané. D'ailleurs, en voyage, mon père il a amené plein de tounes sur une clé USB. 4500 tounes, puis mon père, il est très libéral en matière de musique. Puis à un moment donné, il y a eu la toune de Jennifer Lopez et Iggy Azalea qui s'appelle « Big Booty Girl ». Puis je me rappelle des paroles du refrain, c'est « Big booty, you got a big booty girl. Big booty, you got a big booty girl. Big booty, you got a big booty girl. Big booty, you got a big booty girl. » Puis là, « Big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big. » En tout cas, ça a été un des moments forts de mon voyage. Quand il parlait de musique qui devient abrutissante un petit peu, hein. Au moins il reste Avril Lavigne qui nous parle de kawaii. Elle est morte, on en parlait l'autre fois. On passe au prochain, Jonathan. C'est un ami, oui, que l'on aime et respecte. Soleil à étendre. Sur la rouille en direct, fiez-vous à Tremclad pour traiter aux petits soins. Pour traiter aux petits soins. Ça pourrait être ma tune de lutteur. Hey, salut Alex. Ben oui, bravo Jonathan, merci. Alex Sarfati, de retour à 70%. Ouais, très heureux d'être là aussi. Vous êtes comme... Fait penser à ma gang de meilleurs chums, esti. Il m'appelle tout le temps pour jouer à risque quand il manque un joueur. Alors, au moins, il me paye la bière, mais c'est pas de la microbrasserie, ça vous donne un point. Bon. On gagne sur ses meilleurs chums. Non, mais en fait, t'es revenu nous parler de ton aventure en Chine. Finir mon épopée de prison chinoise. Parce que la dernière fois que t'es venu, fin août, là, t'étais... Il y avait eu de la grosse, grosse dope, là. Exactement, ouais, du weed, là. Grosse dope. Dans ma pisse. Tabarnak. Fait que c'est ça, la dernière fois, j'avais parlé de mon arrestation. Petit recap, ben vite, j'étais chez nous, j'écoutais la TV, il était environ 6 heures, ça cogne à la porte. Je pense que c'est un chummy qui veut fumer un joint, mais non, c'est la police qui veut tester ma pisse. Puis, ouais, ben finalement, ils l'ont testé positivement. 48 heures de poste de police. Poste de police en Chine, en chinois. En Chine, ouais, avec mon pas de vocabulaire chinois puis tout. Mais j'ai oublié de vous conter une anecdote qui était assez cool là-bas, parce que tout le long que j'étais au poste de police, devant moi, il y avait les pièces à conviction, c'est-à-dire mon urine dans un petit pot, il y avait mon hache, mes cigarettes, puis ma guimbarde, c'est vrai, ils savaient pas c'était quoi, fait qu'ils ont pris ma guimbarde, genre. Puis à un moment donné, le gars, le policier qui nous surveillait s'est endormi, mon autre chum s'endormait, puis la femme de ménage est passée. Puis elle a jeté mon urine, mon hache, mes cigarettes, puis mon papier à rouler. Fait que là, hey, j'ai jamais forcé autant que ça pour faire semblant de dormir de toute ma vie, là. Je faisais semblant. Puis en partant, la maudite, elle a frappé le genou du policier endormi avec son sac de vidange. Puis il a regardé à la table, il a fait vider tout le sac, puis il a ressorti. Au moins, j'ai re-eu ma guimbarde. Hein. Il a fallu que j'en joue pour prouver que ça avait rien à faire avec la drogue. Fait que là, le système de justice chinois était à... un sac à poubelle qui touche un genou de ne pas marcher. Là. Exactement. Il y a peut-être des affaires à améliorer. Il y a une couple de trucs, comme l'électricité. On a manqué 2 fois d'électricité au poste de police en 48 heures. Mais ouais, fait que comme je vous avais raconté la dernière fois, après ces 48 heures-là, ils m'ont amené au poste de police. Avec tout mon stress de novice en prison, j'ai demandé est-ce qu'il va falloir que je me batte parce que je suis blanc. Le policier m'a dit non, il est parti. Il est revenu me voir puis il m'a fait un hug. Ce qui a vraiment fait monter mon niveau de stress assez incroyablement. Pis bonne chance. Là, j'étais comme dans les bras affectueux de la force constabulaire. C'est dégueulasse. L'amour d'un policier, personne veut ça. Là, c'est... Mais bon. Non, oui, hein? Ben, il a pas arrêté pour rien non plus, tu sais. Fait que, ouais. Policier chinois. Ouais, toujours. Ah, moi, je donnais pas de câlin. Mais ben, presque. J'apprécie. C'est là qu'on est rendu. Fait que ouais, ils m'ont refait une autre visite médicale. C'était comme la 3e visite médicale. Ils m'ont tripoté partout. Ils font une obsession sur ma bite. Là, à toutes les fois que j'ai comme un contact avec quelqu'un, ça finit par sortir ta graine. Tout le temps. Là. Mais le pouvoir veut se tenir au courant. Exactement, ouais. Ils ont-tu pris des photos? Circoncision, ça a fait triper pour de vrai. Non, pas de photos de graines. C'est juste pour l'avoir. Ouais, c'est juste... ils faisaient ça à tout le monde, mais je voyais que c'était la mienne qui voulait. Fair enough. Fait que, toujours, après ma petite dernière intervention médicale, c'est le temps de choisir ton uniforme de policier. Puis là, t'as 2 grosses poubelles remplies de souliers. Il y en avait des beaux petits noirs, mais qui me faisaient pas. Fait qu'il a fallu que je choisisse dans une autre chaudière de gougounes en plastique les moins gluantes. C'était dégueulasse. Puis finalement, j'en ai trouvé des gluantes. J'ai pas pu rien faire contre ça. Puis ça m'a pris du temps à choisir mes souliers. Fait que rendu à l'uniforme, bel uniforme bleu et jaune, ils m'ont pas laissé beaucoup de temps. Fait que je me suis ramassé avec un médium. En Chine, je porte du double ou triple X large. Fait qu'à toutes les fois que je faisais un move, c'était du velcro ici, je me ramassais le épaule à l'heure, nombril à l'heure, pis tout. C'est vraiment classe, mais on était tous habillés pareil. C'est les autres qui voulaient ça. C'est ça le bain, dans ça le bain. Et puis, ils m'ont amené dans l'espèce de couloir tout crassé où c'est qu'il y a les cellules, pis ça a plein de petites portes. Fait que je me suis dit, pas pire, tu sais, je risque d'être chez nous, je vais avoir ma cellule, pis tout. Grossière erreur. Ils m'ont ouvert la porte. Puis c'était bondé, très bondé. C'est 9 petits lits simples de bois, pas de matelas. Puis avec 14 personnes qui dormaient là-dessus. Puis on n'est jamais en bas de 14. Fait quand je suis arrivé... Peux-tu me compter ça, toi? Ça fait de ça? Non, tu connais mes... Non, je pas. Fait que ça fait 4 personnes. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit « tu peux dormir », tu sais. En tout cas, ils m'ont pointé les gens qui dormaient. Fait que j'ai décliné. Il y avait 2 gars debout. Fait que je suis resté avec eux autres. Puis le... Le screw, comme on dit, il m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je dorme. C'était l'heure de dormir. Il était environ une heure et demie de l'après-midi. Il t'a dit tu peux, puis après il a dit tu devrais, puis après il a dit dors. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent pour de vrai. Je parle pas chinois. Je suis le bout des doigts. Là, OK, hein? Il pointait. Puis il pointait. Okay. Fait que j'ai refusé finalement. Je devais dormir. J'ai écrit ça tantôt, là. Je suis comme pas vraiment. Tout va bien, tout va bien, là. Là, t'es dans une prison en Chine, puis t'es très inconfortable. Tout va bien. All right. Toujours est-il, ouais, je me suis couché à côté d'un caucasien. Puis là, je me suis dit, oh, c'est nice, il y en a un autre, tu sais, c'est trippant, je vais pouvoir parler en anglais avec quelqu'un. C'est un Américain qui a été mon némésis là-dedans, là, que je détestais ce gars-là. Il nous a pourri la vie, ce gros connard-là. Mais je vais revenir plus tard là, sur le pourquoi, dit comment, ah, ben, j'aime des anecdotes. Ça doit être le troisième volet. Ouais. Fait que toujours est-il qu'en me couchant de façon forcée, il y avait l'horaire de la journée. Puis là, j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça quand même cool. 6h30 à 7h, c'était le réveil, faire les lits. Après ça, de 7h à 7h30, tu prenais ta douche, puis il prenait les présences. Vraiment bizarre, quand il prend les présences, il y a le screw qui rentre, puis là, tout le monde se lève et crie quelque chose qui ressemble à genre « Bah, wow! » Là, tu le cries, parce que sinon, t'es vraiment dans la merde si tu le cries pas. Tu as la chance d'avoir des chaînes, ils te croisent des chaînes, poignet gauche, cheville droite et l'inverse de même, là. Fait que tu cries ton « Darbao » le plus fort que tu peux. Oui, comme à Walmart aussi, ils te font crier des affaires le matin. Ah ouais, ben c'est tu devrais avoir l'uniforme bleu et jaune, ça pourrait être similaire. Puis 7h30, 8h30, déjeuner, on fait le ménage de la cellule. 8h30 à 11h30, études, sport, travail extérieur. Là, j'étais comme « Hey, le temps Chris, va passer ben oui, t'as vite. » De l'éducation, l'éducation ça, physique en matinée, c'était tout c'est le temps trippant. Le fun. Ben après oui. Ça, t'as de midi et demi à 1h30, c'est la sieste encore. Je suis arrivé pendant la sieste cette journée-là. Après 13h30 à 14h, on refait les lits après la sieste. 14h à 4h30, encore études, sport ou travail extérieur. Après ça, on soupe. C'est la télé en groupe de 5h30 jusqu'à la fin, c'est-à-dire 10h30. Fait que t'as quand même un bout pour garder ton souper en dedans, puis tu vas te coucher, t'as quand même faim, puis anyway. Que la bouffe que t'as, tu manges pas tant que ça, tu sais. Fait que, ouais. Toujours est-il que j'ai carrément oublié où je m'en allais encore une fois avec ça. Ouais, mon Américain, c'était vraiment trippant, parce que, comme j'ai essayé de faire un contact avec, puis finalement, tout le monde l'aimait pas dans la cellule, parce qu'il faisait que dormir. Puis la distance qu'on avait, c'est à peu près... Deux fois, c'était praticable là, puis trois longueurs de mes pieds. Je l'ai mesuré en estique, le terrain. Okay. Puis il dormait couché. Fait que tout le monde le détestait parce qu'on avait comme plus de place pour se mettre. Puis il y avait un gars du Pas se mettre là. Ah non, on est filmé en permanence dans la cellule. Il y a tout le temps un speaker puis une caméra. Ça, c'est romantique. C'est comme un mais porno. Pour revenir à l'horaire, finalement, c'était de la bullshit. La seule affaire qui tenait, c'était les siestes, les repas, puis le réveil. À part ça, ils ont tous remplacé le reste par du tabouret. Fait qu'à tous les jours, je passais entre 14 et 15 heures sur un tabouret d'à peu près un pied de haut. Puis j'étais beaucoup trop grand pour ça. Je me suis comme déformé le cul, la colonne, tout le kit. Ah oui, il aurait pu être comme 3 pouces plus haut. Je suis sorti de prison en ayant mal au cul, là, honnêtement. Mais c'est mais juste pas de manière qu'on pense. Non, vraiment pas. C'est vraiment pas. Juste le tabouret, là. Non, juste le tabouret, parce qu'on dort... Dit, ils sont filmés. On a passé 10 jours en prison, et puis plus le poste de police avant, puis l'avion en revenant, ça m'a fait 13 jours sans jamais être dans le noir. Ça, c'était vraiment un truc spécial, mais en même temps, c'est qui viole quelqu'un à la lumière du jour, tu sais? Personne, fait que j'étais comme en sécurité. C'est quoi ça? Personne? Ben oui, toi, t'aurais pu juste... Je suis un géant, là-bas. Ouais, j'étais ça, un géant, vrai, là. Puis même, je me suis permis de backer quelqu'un. Il y avait un black dans la cellule. Un gars du Liberia était vraiment chumé. Puis ça a été mon ami numéro un. Puis ça, c'est spécial parce que d'habitude, je suis super raciste. Non, ça, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Mais non, fait que lui, les autres okay. Détenus étaient comme impressionnés d'être avec un black. Fait qu'aussitôt qu'il s'ennuyait, il venait toucher sa peau puis il défrisait ses cheveux. Ça, c'était comme le jeu numéro un. Puis il y avait le... À quoi qu'il sert, sinon? Puis il y avait... Il y a tout le temps comme... Dans chaque cellule, il y avait comme le king de la cellule, si tu veux. Puis lui, je ne sais pas pourquoi, mais il s'est mis à menacer tout le temps le petit Africain. Fait que moi, je l'ai mis de côté. J'ai dit, assis-toi à côté de moi, il va te foutre la paix. Puis justement, ça a bien marché, mais je me suis pas fait aimer par les le King La Wing, puis il y a son bras droit qui allait prendre sa place. Finalement, bras droit qui s'est avéré être un vraiment bon gars, parce que quand Claude est parti, il avait plus la domination ouais, de l'autre. Ouais. Ça s'est bien fait. Aïe, il était comme retourné à l'état primal de plein d'affaires pour revoir des hiérarchies inutiles. Incroyable, incroyable. Aïe, c'est capoté, ça. Sinon, petit volet nourriture avec. Chaque repas était le même. Des pains bouillis, des patates crues râpées dans l'eau salée. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais il y en avait tout le temps. Venant du gars qui mangeait des poussins, en tout cas. T'as mangé les œufs noirs, c'était pas si mal. L'œuf, c'était correct. C'était correct. Mais en fait, le meilleur, j'ai essayé, c'était la sauce aux huîtres. Ben, j'en ai encore! T'as-tu fini avec ça? On veut regarder pour la prochaine fois. Ouais, c'est ça, touche-moi et d'où? Va te rasseoir, t'as bien fait ça. Alexandre Sarfati, mesdames, messieurs! Fight the power! Sacrée histoire, hein? Comment ça se passe, les prisons au Québec? Toi, t'es au courant? Ben, j'écoute une unité 9. Ah ouais! C'est pas vrai, ça. Tout le monde meurt. C'est comme ça que ça arrive. Tout le monde meurt dans les prisons. Ouais. Putain. Moi, j'ai lu un rapport d'Amnesty International. Ah non, fuck that. Moi, je veux juste dire ça un commentaire sur l'histoire. Là. C'était rafraîchissant de voir une histoire où, est-ce que pour une fois, l'Américain était le méchant puis c'était pas un Allemand ou un Russe. Ouais, ben, ouais. En même temps... Comme dans la vraie vie, là, pas comme dans les films. On n'est pas surpris non plus. Ça va bien, votre 70%? Ouais, là, ça va bien. Oh, ouais. Okay. Est-ce que vous êtes chatouilleux? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est chatouilleux? Pose quand même. T'es-tu chatouilleux? Dans ce coin-là. Lui, il dit qu'il l'est pas, mais lui, il veut pas qu'on teste. Peu quand même, pour moi, Andrew l'est. Est-ce qu'Andrew, il est chatouilleux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant? Oh! Il y a juste moi et sa blonde qui connaît. Oh, c'est dommage cute. Je pense qu'on est prêt pour la suite, Jonathan. Il y a la crème fouettée, il y a les choux à la crème. Mais il y a rien comme la crème de Mae West. Il y a la crème renversée, il y a la crème à raser. Mais il y a rien comme la crème de Mae West. Il y a la crème demandée à la crème brûlée. Mais il y a rien comme la crème de Mae West. Il y a la crème de beauté, il y a la crème glacée. Mais il y a rien comme la crème de Mae West. Y'a la crème des hommes et la tarte à la crème. Mais y'a rien, non y'a rien comme la crème de Mae West. Incroyable, on va te revoir Salut. Plus souvent comme house band. Simon Payton, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va bien, oui. Je voulais savoir premièrement, y a-t-il du monde qui se rappelle de leur premier wet dream? OK. Moi, je m'en rappelle parce que ça a été un événement marquant dans ma vie. Ça s'est passé avec la Schtroumpfette. C'est vraiment vrai, j'avais à peu près 11-12 ans. Je pense que dans la journée, j'avais écouté Gargamel qui était en train de créer la Schtroumpfette avec des cheveux noirs, était full horny avec les autres Schtroumpfs. Là, ça m'a fait vraiment capoter. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma première révélation que j'ai compris que j'étais devenu un homme. Fait que là, ma révélation, elle disait « T'es un homme, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, mon grand, nanana? » Je ne savais pas, cette réponse-là, je l'ai eue récemment. En fait, j'étais chez mon ami Mourad. Fait que là, j'avais craché sur le divan, lendemain de party, hangover, tout le monde dort partout, je me lève, j'ai faim, je m'en vais dans le frigidaire, il y a juste de la bouffe algérienne, puis libanaise. Là, finalement, je dis, ah, puis de la merde. Je me suis fait un esti d'omelette shawarma avec des patates à l'ail, puis hash brown avec des beans dans baba ganoush. Ça donne faim. Ouais, c'est ça. Fait que je savais pas trop c'était quoi, mais là, mon estomac, là, il s'est mis à me parler, puis c'est là que j'ai eu ma deuxième révélation. Là, ça a dit, Simon, faites quoi de ta vie? Simon, faites quoi de ta vie? Porte-toi un restaurant de déjeuner. Challenge Madame Cora. C'est là que j'ai eu mon flash. Là, je vais ouvrir un restaurant de déjeuner. Ça va s'appeler Chez Coran. Là, parce que, premièrement, la religion, c'est la nourriture de l'âme. Là. OK. J'ai remarqué aussi que la nourriture halal était vraiment bonne. Puis là, justement, je suis dans ma phase halal. Là, tu peux me donner d'autres tickets? Voilà. Là, on a compris le jeu de mots, hein? Ouais, il y en a d'autres. Il est rushant, hein? OK. Chez Cora, il y a plein de Mahomet savoureux. J'ai essayé de plaire un peu à tout le monde avec un menu. Bah, c'est ça, comme je te disais, algérien, déjeuner. Il n'y aura pas de bacon. Ben non. Ça va être désolé pour toi, Tommy. J'ai une partie aussi. J'ai plein de parties de menu. Il y a une partie qui est un petit peu plus rochante. C'est comme pour les extrémistes religieux. Fait que c'est surtout des aliments riches en antioxydants. Ça va inclure la burkeuf. Dans la burkeuf, en fait, c'est deux œufs voilés d'une sauce halanana. Avec des légumes sautés. Kaboum! Pour compléter, chaque salle à manger, halak bar à pain à volonté. Ça, c'est vraiment cool. C'est pas merveilleux, ouais. On a aussi le couscous. Halak bar à pain à volonté. Ok, on va le laisser. Ok, je reviens. Bon, on a aussi le couscous crispies. Ça fait tic-tac-pow, une explosion de saveur. Ah, j'oubliais, pendant le ramadan, tout est gratuit! 30 jours de gratuité! Il y a aussi Justin Trudeau qui est venu tester nos menus dîner. Il aime bien le Islam Burger avec une meute de frites. OK, calmez-vous. Chez Coran, on inclut tout le monde. Tout le monde. C'est quoi que j'ai? Ah, j'ai un smoothie curry lait de coco pour les bouddhistes. J'ai du pain nan doré pour les hindouistes. Ah, puis le fameux bagel Moïse. Ça, c'est un bagel. Puis là, il y a une mère de fromage à la crème. Puis là, c'est séparé en deux. Dans le milieu, il y a un pickle qui fait Moïse. Puis il y a tous ceux-là qui le suivent en smoked meat. Ça, c'est vraiment bon. J'ai aussi, pour les catholiques, c'est basé un peu sur la fin du monde. Fait que ça s'appelle, c'est un brunch. Fait que c'est l'apocalypse de jambon. Ça inclut les oreilles d'Antéchrist accompagnées d'une trempette de Jéricho avec les quatre pains dorés de l'Apocalypse, le chemin de croix en patates pilées avec des crêpes plates comme la terre, puis le fameux chapelet de bacon, parce qu'eux autres, ils peuvent! Eux autres, ils peuvent! T'es-tu baptisé? Ben, comment? T'es-tu baptisé? Ouais, mais c'est pas de ma faute. OK, ben tu vas avoir droit au chapelet de bacon, mon grand. On a aussi notre menu pour enfants de cœur. C'est un œuf à la coque avec des petites patates... des petites patates grelots avec des petites saucisses à cocktail, puis un bon grand-père dans le sirop. OK, ben en fait, c'est pas mal ça. J'ai un menu aussi, notre spécialité. Ça va finir avec ça, là, parce que vous êtes rochants. Mais ma spécialité, ça va être le Witch Trumpet Pet Sauce Dream. Fait que dans le fond, ça va être une genre de frites sauce avec des bleuets puis ma sauce blanche secrète. Puis toi, ça te permet de retourner au début aussi, de faire la paix avec pourquoi tout exactement. Ça existe. Ben j'ai déjà travaillé dans un Cora aussi, puis Mme Cora était assez... c'était comme un vrai prophète. Elle me disait toujours « Hey! Simon, bonjour! Par sécurité, garde toujours une banane dans ta main, et si tu lui ajoutes du sirop ou du miel, ça pourrait te faire aimer les déjeuners à tout jamais! » Penses-tu que c'est elle qui parlait par ton nombril tantôt, ça? Ben, j'ai l'impression que c'est peut-être elle, mais pourquoi qu'elle voudrait que j'aille challenge puis que j'ouvre un restaurant comme... Ah, mais souvent, pareil comme elle. Le criminel se met des bâtons lui-même dans les roues après un bout de temps. Ouais, les roues, c'est important aussi. C'est vrai. Hey, merci la gang, fait que je vous aime, super gros. Oubliez pas la banane dans votre main, puis les œufs, ça se casse comme ça. Cric, comme dirait Mme Cora. Merci pour les bons conseils. Simon Payton, mesdames, messieurs, ça apprécie. Il vient de s'en passer des affaires. On va vous laisser prendre votre shooter. Ah, c'est beau. Ça a renversé un ben peu. Oui. Hey, d'ailleurs, on m'a informé qu'il y a Mini Marquis. Là. C'est, ça existe pour vrai. Lève-toi debout, que tout le monde te voit. Ça, c'est mon frère. Ben oui, c'est Mini Marquis. L'intelligence et les blagues, je les prends de lui, mais lui, il veut pas show off. Fait que je prends tout ça. Pour... Ah, c'est bon. C'est ça. Ce qui arrive. Merci, Cœur. Puis ma blonde aussi. Stéphanie Bourbeau là-bas. Sinon, en fait, la question que je voulais vous poser tantôt, puis que je voulais que vous me fassiez une promesse, mettons, moi, j'ai besoin de VJ à chaque lundi. Vous allez venir faire le VJ un lundi dans le futur. Exactement! Merci! Super cool! Ouais! Ben ouais, ben pourquoi ouais, pas? Ouais, c'est bon, ouais, c'est en bon. En termes de. Tu sais, toi, t'aimes ça, les vidéos absurdes, je pense? Ben nous aussi! Yeah! Ouais, j'ai. Oui! D'ailleurs, t'as-tu gardé ce que je t'ai envoyé? Ouais. Je l'ai montré à mes parents. Ma mère a dit franchement, comme elle dit 30% du temps quand je lui montre quelque chose. Puis mon père, il a fait. Ce qu'il dit pas souvent! Oh. Est-ce qu'il faut 70%? Ce serait suitable pour ici. Je pense que tu tiens quelque chose. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait jaser d'autre? On va y penser pendant qu'on écoute un autre chroniqueur. Let's go, Joe! Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. Ah, ah, ah, ah, oh, oh, Barbie's. OK, c'est bon. Elle me dérangera pas. Elle me dérangera pas, la girafe. Elle est en train de fumer un bat, puis elle broute des herbes en arrière dans la forêt. Là. Salut, Kevin. Salut, oui. Ça va bien? Ben oui. Hey! Salut, vous autres. Hey, j'ai une question super importante pour vous autres, qui me touche particulièrement. Est-ce que vous mangez ça, vous autres, du fromage au Gabon? Faudrait que je me rende au Gabon avant pour manger du fromage là-bas. Ah, OK. Je pensais que vous étiez des représentants de l'industrie cinématographique du Gabon, genre des Belges ou quelque chose. On est au même niveau. Mais c'est quoi votre nom de bord? C'est Gaboum. Ah, comme Boum de Jardin, là? OK, tu veux savoir d'où ce que ça vient, Gaboum? Ben non. Non, ça collait. Je voulais juste être... pas avoir l'air d'un cave. Bon, ben là, parlant de film, hein, tu sais, c'était les Gémeaux hier. Moi, je suis super déçu de ce qu'ils ont pris comme décision. Là, je trouve qu'à chaque année, c'est tout le temps con, qu'est-ce qu'ils font. Ils m'ont pas encore donné mon trophée pour Street Fighter. Combiné à Tigui Lalune, qui est venu me voler son trophée la dernière fois que j'étais ici. C'est vrai. Tigui Lalune, de la guerre des Tucs, qui était venu me voler son trophée. Et de la baleine, pis chose. Ah, et non, il était dans Bac et Bottine. Ouais, ça, là. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est ça. Fait que là, moi, je suis en train de tourner un film présentement. C'est un western. Ça a l'air crédible, en est-ce. T'as déjà vu ça, toi? Il était une fois dans l'Ouest? Ben oui, c'est un des grands, ça. Ben ouais. Moi, je suis en train de faire « Il était deux fois dans les cantons de l'Est ». Starring moi, dans le rôle de Clint Eastwood, même s'il n'est pas dans l'histoire de l'Ouest, mais je fais Clint Eastwood. Et co-starring Marcel Béliveau. Le gars qui est mort il y a 15 ans. Mais non, Marcel, le gars là, de la cour à scrap à Saint-Donat. Ah, lui aussi, il s'appelle Marcel Béliveau. Ouais. OK, tu t'en souviens de Marcel? Là? Ah, j'allais faire de la lutte dans sa cour à scrap dans le temps. Ouais. J'ai le doigt. Puis, c'est ça, c'est un spaghetti meatballs aux boulettes. Là. Super bon, man. Puis, parlant de film, je suis allé voir It en fin de semaine. Moi, ma scène préférée, là, c'est quand il joue à Street Fighter. Comme le verbe jouer, là. Oh oui, ben oui. Bon. Il joue à Street Fighter. Ah, il est hot en esti, le petit kid, là. Oui, j'étais pommé ben rette. Mais il joue à Street Fighter 1. Mais c'est pas important, c'est le 2 qui est important. Ben oui, le 1, le vieux, là. Ouais, le vieux, là. Calice. Tu jouais avec un bonhomme ou Ken, c'est tout, là. Ta poche. Bon, en tout cas. Fait que là, ça fait longtemps que je suis pas venu parler de fromage ou de chronique fromagère. Puis là, ben, il y a pas d'actualité fromagère, c'est un site, mon petit Hérode. Fait que j'ai trouvé une plante vietnamienne. Là, c'est sorti dans les dernières années. Ça s'appelle la Paideria lanuginosa. C'est une plante qui goûte le camembert, mon petit Hérode. Bravo à elle. C'est débile. Mais tu sais, on s'en fout, c'est une plante, c'est pas du fromage, hein. Tu sais, c'est quoi qui goûte aussi comme le camembert? Donne-nous des exemples, s'il te plaît. Hey, tu le sais, Tommy, dis-les. Qu'est-ce qui goûte comme le camembert? Mais je sais pas. La marde. Ah, j'ai jamais goûté à ça. Non, moi non plus, mais c'est ce que j'ai entendu l'autre jour, tu m'avais dit ça. Ah, moi, j'ai dit ça? Ouais. Ah non. Ah, c'était-tu le bleu? Peut-être. Ben, en tout cas, fait qu'on s'en fout de la plante, là, Paideria, là. Moi, là, je viens vous parler de la famille Godzilla. OK. J'étais écœuré des préjugés, moi. Moi, ma mère, elle me l'a dit, hein. C'est pas parce qu'une personne agit d'une manière qu'ils sont toutes pareilles. Puis là, tout le monde sont là, Godzilla, il est agressif, il est colérique, il est impulsif. Mais, tu sais, là, wow, là, ils sont pas tous pareils, les Godzilla, là. Parce que, tu sais, ils font des bonnes affaires aussi, là, comme en tant que parent, là. Faites une crise de bon job! Le petit Godzilla, là, je donnerais le bon Dieu en confession, maudit Hérode. Il n'y a pas de malice, cet enfant-là. Il est doux, il est fin, si. J'en vois pas un parler contre les Godzilla. C'est pas vrai qu'ils sont tous pareils. Les Godzilla. Les Godzilla. Le gros monstre qui détruit Tokyo, là. Ouais. OK. Ceux qui disent ça, ils connaissent rien, c'est parce qu'ils vivent pas au Japon. En tout cas, moi, je trouve que c'est cave de niaiser puis de cracher ces Godzilla. Je trouve qu'ils méritent un peu de respect. T'sais, en tant que parents, ils ont fait une crise de bon job. Que ce soit un homme ou une femme, Godzilla, on s'en fout. Puis si j'en vois un de vous autres parler contre Godzilla, je vous ai à l'œil, là, checkez vos flûtes, moi le dire à ma mère. Puis troisièmement, là... Ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette phrase-là. Troisièmement, là... Oui. Et voilà, c'est dit, Kevin, mesdames, messieurs. Et là-dessus... Oh, j'ai oublié quelque chose. Parce que ça, je finance mon film, là, présentement. Fait que là, je vous ai amené une dose de fromage à chacun. Ah. Hey, les petites doses de fromage. Tu vas les vendre une pièce chacune. Non, c'est 25 cents. C'est du super bon stock. Venez me voir, là. Je vais vous voir. Ça sent bon. 25 cents. Des baguises de fromage. De bon, là. Puis, tu sais, il y en a qui gagnent leur pain en vendant des salades. Moi, je vends du fromage, puis je mange du fromage. C'est correct. Merci beaucoup, Gavin. Là-dessus, on va aller parler avec notre artiste visuel de la soirée, Pascal de Sucrose Collective, qui est en train de faire pas des calices de chats. Il y a un chien aussi. C'est des chiens, on les aime, les chiens. C'est, dans le fond, c'est deux Transformers qui se battent. Parle fort. C'est deux Transformers qui se battent, un Transformer chat, un Transformer chien, puis il va voir le skyline de Montréal en bas, là. C'est ça, wow, c'est vraiment science-fiction. Et ça, c'est une œuvre qui va être vendue à l'enquête tantôt. Et 100% des profits vont s'en aller aux victimes des tempêtes aux États-Unis. Non, c'est pas vrai, on donne tout ça à elle. T'aurais dû voir les yeux qu'elle m'a fait. Je mange du fromage, on est prêt pour le prochain. Quelle bonne surprise, les revoilà. Y a du Harvey's. Faut servir ça. Moi j'aime les frites et les rondelles. J'suis fou des fridelles. Ah oui, Harvey's, tu connais mes goûts. C'est vraiment, vraiment con. C'est une très bonne idée. Oui. Salut Mathieu. Salut Tommy. Moi, je suis super content de revenir vous parler de mes histoires, là, parce que vraiment, cette semaine, je pensais que ça arriverait plus jamais. Là. Ah ouais, hein? J'ai pogné la grippe, Tommy. Ouais, c'est comme ça. Puis là, je vais essayer de rester calme, mais... tu sais, t'es là, relax, cool, tout va bien. Puis bang! Si ton existence est une souffrance, l'enfer. Nez bouché, yeux qui coulent, éternuement à répétition. C'est quoi ces affaires-là au Québec de pognage de grippe, de nez qui morfe puis de yeux qui pleurent? De qu'est-ce que les rebords de nez irrités puis les gorges qui font mal ont rapport quand la moitié de la population crève de faim puis que l'autre moitié, Tommy, sait même pas se faire à manger? Je vois que t'es en crise pour les bonnes. Wow! Calme-toi avec la fièvre. Si je veux de la fièvre, il y a du hockey à TV. Oh! Anyway, si, même si je faisais de la fièvre, si je fais de la fièvre, c'est qui va aller travailler demain? C'est pas toi, certain. Non, non, t'as le dit. À un moment donné, il faut que le papa... Mon fils, il me dit papa en plein milieu d'une phrase. Ça doit être important. Tu sais que j'ai essayé de me faire couper. Que ça va non, mais... Comme je suis un très mauvais exemple hein, de savoir-vivre en général, j'ai plutôt fait comme « Tu vois bien que tu me déranges, là, je suis en train de parler avec le pharmacien. » Et c'est là que le pharmacien m'a dit « En fait, monsieur, vous êtes dans un Subway. » Mais là, j'ai fait comme « Hey! » Pas commencer tout ici, à un moment donné. Anyway. Tu sais comment est-ce que c'est? Police, discussion, fin de semaine en prison. Tout ça pour dire que mon fils... Je voulais m'apporter un point bien important qu'on oublie trop souvent, surtout en pleine psychose. Nez bouché, nez qui coule, éternuement à répétition. Je ne souffre pas d'une grippe, Tommy, je souffre d'un rhume. Voilà! Voilà! Le point principal de cette intervention. ça a remis les pendules à l'heure sur un hostitan, ça. J'étais pas super inspiré. Ça va super bien à date, je pense. Ne laissez pas les gens vous berner avec de la fausse information. En fait, hein, vu les circonstances, là, je vous rappelle qu'on est en 2017. Hein, 2017 de l'ère commune. Ça, c'est en 6016 de l'ère vulgaire. On est autour de 240 ans d'industrialisation. Ça, ça fait 144 ans de pataphysique, Tommy. Hein. Puis on est solide 40 ans post-Star Wars. Ouvre tes yeux! Non, mais on le calcule comme on veut, là. Je veux dire... J'irais jusqu'à te dire, hein, ne laissez pas les gens vous. Mentir. Point final. Point final. Point final, Tommy. Désolé. Vous. Point final. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des fake news partout, de la partisanerie, de l'égocentrisme, la voix junior. Tu sais, il y a énormément de... Il y a énormément de preuves que c'est la fin de l'espèce humaine. La question n'est pas là. On cherche pas un coupable, là. On cherche un abri, hein? Et parlant d'abri, ben, tu sais, mon fils, hein, tu sais, comme il venait de me dire ça, je suis allé d'un naturel dans ta chambre! Oui, je l'ai invité. Sur un ton assez autoritaire, merci. Là, le genre de ton qu'un enfant de 8 ans peut très bien comprendre que, tu sais, wow, t'as eu assez raison aujourd'hui, va faire chier les adultes ailleurs. Tu sais, comme. Non, cet enfant-là, il était peurant, là. C'est une éponge de savoir. En terminant. Les différences entre la grippe et le rhume sont nombreuses. Je vous invite donc à aller faire un tour sur Internet. En général, sachant bien chercher, vous y trouverez tout et rien à propos de celle-ci ou celle-là. Et si vous n'êtes pas convaincu non plus, je vous invite à peut-être un retour à l'école. En vous dirigeant peut-être dans un bac ou une technique en biologie. Et peut-être que si l'envie vous prend, vraiment... Vous vous retrouverez un jour à l'université, hein, en virologie, en immunologie. Et qui sait, ben vous rencontrerez peut-être le début d'une réponse à vos questions. Ceci étant dit... Non, mais je parle de grippe, là. De rhume. De rhume, voilà. Oh. Non, non, non, pas cassé. Viens ici. Non, non, mais calmez-vous. Ceci étant dit, je vais vous laisser avec une phrase rejetée d'un concours organisé par le gouvernement dans le but avoué de faire bouger les enfants qui préfèrent le monde scientifique à la sauvagerie du monde des sports. Allez hop! La science, c'est go! Mathieu Boudreau et son rhume, mesdames, messieurs. Ça, abristi, hein? Moi, j'ai deux commentaires à faire. Là. Andrew veut faire un follow-up. Je veux juste dire que pauvre personne qui va toucher à ce micro-là après. Puis aussi, je suis un peu déçu que je pensais qu'il allait y avoir de la drogue là-dedans. Ben, il y en a une. Le fromage, c'est addictif en esti, hein. Ouais. C'est vrai. Ah, tu vois, je t'ai eu. Hein? Ouais, moi non plus. C'est le gras, le chatouilleux là. Non. Hey, en fait, moi je suis curieux de le savoir. Pourquoi ça s'appelle Gaboum Film? Parce que me semble que c'est lettre. C'est vraiment laid comme nom. Ça va me faire plaisir d'expliquer pourquoi. Ça te tente-tu, Andrew, que j'explique? Vas-y, tu me donnes la permission? Oui, bah, tu sais, Gaboum Chris. Film, c'est 50-50, puis il faut que je demande oui, la permission. Chris. Ah, OK. C'est là, là. Oui, oui. C'est là que je vais, là. Vas-y. OK, ben tout simplement que je faisais des films depuis un bout. Quand j'ai rencontré Andrew, on a fait des films ensemble. On voulait partir un nom. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme nom? Andrew était capable de faire cette bouche-là. Ce smile-là par en bas, qu'est-ce que ça vous rappelle? Si vous êtes le moindrement gamer, on parle de Mario Bros. Que dit? Goomba! Prenez les lettres de Goomba, puis ça fait Gaboum. That's it. That's it. Ah, ben, that's it, that's all! Ah, ben, là, on est pogné avec ce petit nom-là. Ah, mais là, j'aime ça, d'abord. J'adore les Goomba. Je ben ferme, ouais, fait que ouais. Toutes les deux, on va vous faire une face Gaboum. That's it. Et là, on s'est rendu compte avec le temps que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce smile par en bas. Ben non. Non, on est spécial. Non. C'est comme goûter le PVC aussi, là, le PTC. Là. C'est ça. Nous autres, on est. Attends, est-ce qu'il est capable de faire ça? Ah, tabarnak! Brûlez-le! Hey, ben, merci beaucoup d'être là pour vous suivre. Tout le monde est au courant sur Facebook, YouTube. Avez-vous comme une préférence? Non, pas vraiment. Mais en okay. fait, on se fait plus suivre par les Québécois sur Facebook puis les Français sur YouTube. Fait que vous faites ce que... C'est ben, YouTube, suivez-nous sur YouTube, ouais, parce que voilà. vraiment, on vous aime, tu sais, c'est vraiment juste parce qu'on vous aime, voilà, non, pas rapport à l'argent. En plus, sur YouTube, il n'y a pas les deux hosties de bandes de textes de marde qui me font chier tout le temps. Hostie que ça me tape ses nerfs. C'est ça, on est coupable. J'ai entendu que t'étais chatouillé. C'est à cause de Facebook, là. Mais... Ouais, en tout cas, le monde, il check ça sur le téléphone, pas de volume, fait que c'est important de les abrutir avant que la patente commence. Puis là, la patente commence, puis tu te dis, ah, oh, c'est exactement ce que les bandes caves me disaient. C'est que ça me tape, c'est T'as mal. Tout compris? Et oui. Mais en tout cas, ça marche bien vos affaires. On est content que vous soyez là. Vous allez venir faire VJ à un moment donné. Fait qu'on va voir de tes vieux films de quand t'étais mini marquis à place de mini marquis. Genre. Ouais, ça va être capoté. Même peut-être que je vais le faire apparaître sur l'écran, mon petit frère. Ah, dans le temps que t'acceptais encore là, de paraître dans mes vidéos. Vous avez fait des clips ensemble. Ben oui. Ah, imagine comment ton père devait être fier de t'avoir acheté cette caméra-là. Exact. Puis le pire, c'est que j'ai fait honneur parce que mon père m'a fait des estimes. Hey, on enregistre un podcast! Non, mais tu sais, tantôt on disait que nous autres, comment on s'est rencontrés, c'était gay. Mais pour vrai, tu regardes ses vidéos, puis c'est pas mal gay. De quoi tu parles, man? Okay, attends. C'est pas politically correct pour ceux qui ont vu notre vidéo, là, merci. Est-ce que c'est la première fois que vous parlez de ça? T'es-tu comme à cœur ouvert? Non. Je suis votre Michel Jasmin. Oui, sincèrement, oui. Capoté. On a le goût de s'ouvrir à toi. Oh, j'ai 800. Hey, merci beaucoup. Gaboum Film, mesdames, messieurs. Je pense qu'on n'a pas encore fini 70%. Let's go, Jonathan Simon. Nick Lampanton pour déménager. Vous signalez le 9370707. Nick Lampanton, bonjour. Le 9370707. Le 9370707, le clan Panton pour déménager. Vous signalez le 9370707. Ah. Bruno, on termine en nouvelle. Oui. Après un presque accrochage dans le tunnel Lincoln du New Jersey, un homme est sorti de son véhicule et, pour se venger de l'autre conducteur qui l'avait coupé, a dessiné un pénis sur son véhicule. L'autre conducteur est alors sorti de son véhicule afin de péter la gueule de l'autre conducteur. Les policiers sont arrivés quelques instants plus tard pour stopper l'altercation. L'identité des deux hommes n'a pas été dévoilée. Et l'identité du pénis, lui? Fuck that, next. Non, mais le moindrement qu'il y a un peu de neige sur le char de ton ami, c'est pas ça que tu dessines? Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, on se pète-tu ailleurs? Non. Fuck you. Mais... Un commerçant de Liberty au Missouri qui avait placé un drapeau confédéré devant son commerce a fait face à des accusations de racisme à cause de symboles. Afin de contrer cette fausse perception, l'homme a décidé d'ajouter une pancarte devant son drapeau sur laquelle on pouvait lire « Esclave à vendre ». Sa logique? Le drapeau confédéré est un symbole de rébellion anti-gouvernement et non de racisme. Si les gens sont stupides et croient que c'est un symbole raciste, je vais agir de façon stupide comme eux. Oui. En vendant des esclaves. Il ajoute que s'il vendait des esclaves, il devrait vendre son petit garçon qui est biracial. Ben, donc, je suis pas raciste. Oh, fait qu'il est pas raciste. Son parce petit-fils son est... kid de des jeunes c'est de ça. Quelque chose. Et voilà. D'une créature. Là. Et voilà. Hey, c'est magnifique, ça. C'est bon, hein? J'aimerais ça y parler, ce gars-là. Penses-tu qu'il aime Star Trek? Ça serait drôle en esti. Ça serait très drôle. Oui. Et finalement, un homme dans la vingtaine roulait à 130 km/h dans une zone de 70 près de la ville de Québec. Il a été arrêté par la police pour excès de vitesse et a échoué son test de sobriété. A perdu son permis de conduire sur le champ. Il a donc appelé sa mère qui est venue le chercher en voiture. Oh! Oh! Arrivé sur les lieux, les policiers ont senti une forte odeur d'alcool sur la laine de la femme. qui a également échoué son test de sobriété et a perdu son permis de conduire sur le champ. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ce serait vraiment... Je pense qu'ils sont revenus sur le pouce. Ils ont appelé mon oncle et mon oncle est venu. T'es-tu sous, là? Parce que là, ça marchera pas, là. C'est donc bien. Ça m'arrivait souvent, mais ça fait pas une nouvelle tout le temps. Pour vrai? Ben, quand? T'arrêtes quelqu'un sous, puis là, il appelle quelqu'un sous. Ben oui. T'as-tu déjà été jusqu'à 3? Je me suis pas rendu jusqu'à 3. Ça aurait été le comble. Un moment donné, c'est parce qu'il se parle, là. Ben, le comble en attendant 4, là. Là, à un moment donné, tu peux remplir un autobus, t'as tout ça. Qui veut appeler quelqu'un, là? Oh, moi, je pense que c'est quelqu'un, là. Il a pas de permis, puis il est chaud. Merci beaucoup, Bruno, quand même, madame. Et puis ça, c'est une affaire locale, tu sais, quand même. Calice. Donc, c'est la fin de 70%. C'est de bon ton de remercier tous les chroniqueurs, les excellents techniciens sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Jonathan Simon, le house band, là. Oui. Jonathan va nous jouer deux chansons. Ça va nous permettre de métamorphoser la scène pour la transformer en de quoi qu'on va projeter dessus le film de Rémi Fréchette qui s'appelle Les Retrouvailles chez Steve. Merci beaucoup à Pascal ici qui va nous vendre son œuvre avec un chien qui va gagner, c'est sûr. Merci Bruno pour les nouvelles et un merci tout particulier à vous, public gentil, et à Gaboum Film, mesdames, messieurs! Non, ben, j'aimerais mieux pas, là. Ah, ben ça, tu peux. t'es pas le premier à le faire, mais ils vont venir faire VJ plus tard. Et on a, c'est comme la première partie de la soirée qui se termine tranquillement. Jonathan, amène-nous en musique, que j'aille plus rien à dire. Merci tout le monde. Merci. Merci. Ça faisait des semaines que ma dent branlait, et ce matin même, elle est enfin tombée, avec deux, trois autres, parce que j'ai mangé une volée de deux, trois gros gars qui voulaient l'argent de mon dîner. Mais je me dis, youpia, youpié, la fée des dents va me dédommager. Je suis tout heureux d'entrer à la maison. J'ai mes dents cachées dans mes poches de mon veston. J'ai la gueule en sang, mais j'ai le cœur content, car la fée des dents m'apportera un présent. Et je me dis youpia, youpié, la fée des dents va me dédommager. Mais au moment de me réveiller, il n'y avait rien en dessous de mon oreiller. Maudite fée des dents, t'as scrappé mes rêves d'enfant, pis j'te jure que j'te le pardonnerai jamais. Si tu rentres chez nous, pis que tu me donnes pas mon 30 sous, j'vais te crisser dans mon broyeur à déchets. J'ai attendu des semaines, j't'ai toujours pas vu la face. Avec les intérêts, tu me dois au moins 50$. J'espère que tu t'en veux de m'avoir fait pleurer. Parce que quand j'ai de la peine, qu'est-ce que j'ai envie de fesser? Et je me dis youpia, youpié, j'ai accumulé les dents au cours des semaines. Et ce soir, en dessous de mon oreiller, y'a plein de dents, pis c'est pas toutes les miennes. Maudite fée des dents, t'as scrappé mes rêves d'enfant, pis j'te jure que tu commences à être chiante. Si tu rentres chez nous, pis que tu me donnes pas mon 30 sous, j'vais t'enfermer dans le four à 350. Aujourd'hui j'ai 30 ans, mes dents d'adulte ont poussé. J'suis un alcoolique perturbé à cause de toi. Je me suis battu avec deux trois gros gars qui m'ostinaient en me disant que t'existais pas. Et j'ai reçu des coups de poing, des coups de pied, et mes dents sont toutes tombées. Et ce soir tu es enfin passé, mais tu es parti avec mon dentier. Maudite fée des dents, t'as scrappé mes rêves d'enfant, pis t'es la personne que j'haïs le plus au monde. Si tu rentres chez nous, pis que tu me donnes pas mon 30 sous, j'vais t'enfermer 5 minutes dans le micro-ondes. Maudite fée des dents, t'as scrappé mes rêves d'enfant, pis j'te jure que tu m'as brisé le cœur. Ramène-moi mon dentier, pis arrête donc de me faire chier, si tu veux pas finir dans mon malaxeur. Si tu veux pas finir dans mon malaxeur. Nya nya nya.

Jonathan Simon, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, on l'applaudit. Jonathan Simon, c'est aussi le Johnny Publicité. Vous l'avez peut-être remarqué au fil de l'émission, mais le gars, il a un sérieux problème avec la pub et les jingles. C'est aussi pour ça qu'on l'accepte. Hein? On est un cercle très fermé. À partir de maintenant, il y a des gens assis juste en avant qui se mettent dos à l'écran. C'est un choix très, très, très bizarre. Parce que, bien, non, on lance pas de projectiles sur des êtres humains. D'ailleurs, parce que quelqu'un vient de me lancer une affaire en blague, on va passer au travail des règlements avant d'aller plus loin. On les voit là. Hey! Le règlement de notre club de visionnement. On parle à tout le monde du club. Numéro 2, attention, très important. On parle à tout le monde du club. Numéro 3, si quelqu'un chiale, se plaint ou engueule, c'est signe que le visionnement s'éloigne de la neutralité, ce qui est bien. Numéro 4, qui justifie l'existence de la pancarte, jamais aucun projectile sur des êtres vivants. Si t'as besoin de lancer de quoi sur un arbre, c'est louche en esti aussi, t'sais. 5, on assume ce qui nous passe par la tête. Et 6, si c'est votre première soirée, vous devez vous poser une question. Tadam! Pourquoi qu'il veut qu'on se pose une question, lui? Ah, c'est moi qui ai gagné. À partir de maintenant, on va passer en clip. Donc, le show se passe là. Il y a l'excellent Rémi Fréchette ici qui a fait un court-métrage dernièrement. Filmé entièrement en VHS. Filmé entièrement en VHS et projeté en VHS. La cassette est là, là. C'est official, là, c'est tangible. Ah oui, t'as amené un artefact, c'était poussiéreux tantôt. On a eu un archéologiste officiel qui est arrivé avec des petits gants. Il l'a déplié puis tout, puis là, bon, on est rendu avec ça. Je te laisse te parler de ton... on le commence quand t'es tanné, là. Shit. OK, ben c'est comme la première Montréalaise ou la première mondiale si Québec compte pas, là. En gros, c'est que l'année passée, je voulais faire un film pas de stress... retour aux sources avec ma vieille caméra VHS. Je serais pas mal sur le VHS, c'est comme rare qu'on utilise ce médium-là. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a fait un film tourné en VHS. Fait que finalement, c'est comme contrôlé, mais en même temps, c'est comme du douteux, pas le choix, parce que c'est tourné en VHS. Bien inspiré de John Carpenter, les films de série B. Puis c'est ça, là. C'est comme vraiment la bonne place pour présenter ce film-là. N'hésitez pas à utiliser des projectiles si vous avez besoin. Ils sont là pour ça. Fait que c'est pas mal ça, je peux dire. Là. Retrouvailles chez Steve. J'ai une gang qui est là aussi, qui est là du film. Dans l'autre salle aussi, il y a comme du monde qui ne peuvent pas rentrer, mais peupler l'autre salle. Là. J'espère que le feed va bien marcher. Mais c'est ça, là. Bon film. Bon film. Salut tout le monde, ici Poilo. Et Dédé. Et vous écoutez 70% à CGMS, douteur. Ça marche, c'est parfait. Parfait. Les lundis douteux. Chaque lundi depuis 10 ans. Au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorimier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Bonsoir, Brouhaha! Alors, c'est cet excellent moment dans lequel on vient vous extirper de l'argent, parce que je rappelle que Douteux est un système dans lequel tout le monde est bénévole et tout le monde s'occupe d'archiver des clips qui, sans eux, n'existeraient probablement plus. Alors, on a une panoplie d'articles pour vous ce soir. Alors, on commence tout de suite avec... Qu'est-ce que c'est? On a un livre, donc ça pour les plus jeunes. Dans le temps, on coupait des arbres et on écrivait ce qu'il y a sur les Kindle dans des livres. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, 100 films à voir en vidéo des éditions Logique. Un livre de André Roy c'est excellent. Alors, on part des enchères à 1$. Est-ce que quelqu'un me donne 1$ pour savoir? 1$. J'entends 2$. On me dit que ça a été écrit en 1997, la meilleure année. On me dit 3$ pour un livre. Est-ce que j'ai plus que 3$ pour un livre qui pourrait nous apprendre plein de choses? Un extrait avec plaisir. J'attendais qu'on me le demande. Alors, en fait, non, on va faire mieux que ça. On va vous spoiler la fin. Ce sera pas très long. Eh ouais, on y a bien des autres. OK. Voix off dont la source sonore n'est pas visible à l'écran. Le plus souvent lié à la voix d'un narrateur. Ça s'intitule « Voix off ». Est-ce que j'ai plus que 3$ pour un livre qui pourrait vous éduquer? 3,25, c'est bon. On monte en tranche de 25 sous, j'adore ça. 3,50. Est-ce que j'ai plus que 3,50 pour vous éduquer plus que Facebook? Ah, j'avais oublié, je suis vieux. Facebook, c'est comme pour les vieux, hein? Viral! Alors, 3,50 une fois! 3,50 deux fois! 3,50 trois fois! Hey, désolé, man! Je me sens mal pour toi. Je rappelle que tout l'argent sert à acheter des disques durs externes pour stocker des tonnes de clips. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. OK. Pour ceux qui me connaissent bien, moi, je suis un collectionneur et j'aime beaucoup les trucs complete inbox. Et on a ici un éplucheur à pommes complete inbox de Starfrit. Je rappelle que ce n'est pas parce que la pleure de la pomme est la plus nutritive qu'on ne peut pas l'enlever. On confirme. Hey, wow, il y a un cheveu ici. C'est bon. Tout va bien. Alors, est-ce que j'ai 2$ pour un éplucheur Starfrit? J'ai entendu. Pardon? 3$ ici. 4$. 4,25. 5,25. On a une guerre ici. On voit des grands amateurs de fruits. Alors, on est à 5,25. Est-ce qu'on peut battre 5,25 pour un éplucheur à pommes? Je rappelle que vous ne le faites pas seulement pour votre santé. Vous le faites pour la santé de l'archivage des clips. C'est important. Alors, 5,25 une fois. Un extrait. Épluche les pommes sans effort. N'enlève que la pelure. Muni de ventouses pour plus de stabilité. Facile à utiliser. Contient 3 lames. Mode d'emploi et recette. FM Puissance Montréal. Alors, 5,25 une fois. 5,25 deux fois. 5,50. C'est pas grave. C'était game de monter à tranche de 25 cents. Je peux rester ici vraiment tard. Alors, 5,50 une fois. 5,50 deux fois. 5,50 trois fois vendu. Un épluche pomme. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'attends le prochain objet. En fait, je vais me servir. Je suppose que si c'est là, c'est pour vendre. Alors, il s'agit de Michelangelo, le Ninja Turtle préféré de tous. En version Tiki Kit. Alors, Tommy, qu'est-ce que c'est? C'est utile. En fait, ce que Tommy voulait dire, c'est que ça peut servir autant de shooter pour boire de l'alcool que pour mettre des chandelles pour impressionner les filles et que ça sente bon chez vous. Donc, ça peut servir à être sous et à fourrer. Alors, j'ai entendu 2 piastres. $5 ici. $5 pour être sous et fourré. J'ai entendu 6. $7. Est-ce que j'ai mieux que $7 pour Michelangelo Multipurpose? $8 ici. J'ai entendu $9 pour Michelangelo. 10 piastres. Alors, j'ai $10 pour Michelangelo qui... Michelangelo. Voyons, moi, j'écoutais ça au 26, Télévision des jeunes vidéos du Québec. Alors, j'ai $10 une fois. $10. $11. Avec preuve à l'appui. Alors, j'ai $11 une fois. $11 deux fois. $11 trois fois vendu. C'est... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est-tu rendu à la peinture? On me dit que... Qu'est-ce que c'est? OK, on a un DVD qui s'appelle Footwork Academy volume 1 avec Gary Souz... en tout cas, ça. OK, ils ont quand même fait 9 albums avant que la compagnie se tanne probablement. Alors, Footwork Academy, Gary et Suzanne nous apprennent à danser du West Coast Swing. J'ai arrêté de danser le swing il y a de cela 60 livres. Alors, est-ce que j'ai $1 pour Footwork Academy qui en ce moment vaut juste cher parce que un gars de Gaboum y a touché? Voilà. Voilà. C'est viral. Alors, on a une pièce ici. Est-ce que j'ai $2? $2 pour Footwork Academy. $2. Est-ce que j'ai... Pardon? $3 ici pour Footwork Academy. $3 une fois. $3 deux fois. $3 trois fois vendu. Alors, c'est déjà l'heure de notre dernier item. Le combat ultime entre chat et chien. On n'a même pas fini de l'expliquer. J'ai déjà $5. Alors, qui dit mieux pour cette magnifique peinture? $10. $30. $40. $45. Alors, il s'agit ici d'un chat qui affronte un chien en robotique et c'est comme un peu Transformer qui rencontre l'Internet. Il y a de la cuteness, il y a des buildings en feu, il y a de la magie. C'est comme Pokémon, mais en mieux. Alors, j'ai $45. Est-ce que j'ai mieux? J'ai entendu 50 ici. 55 ici. $60. Je rappelle que 100% des profits vont à l'artiste. Une peinture faite live. Vous encouragez une artiste locale. $60. Alors, $60 une fois. $65. Tu check moi bien. Moi, je dis $80. Alors, $80 une fois. OK, je vais être impartial. Je te laisse le micro. $80 deux fois. 85$ pour Jimbo le barbu. 85. Une fois. 85. Ouais, c'est vrai, t'as dit 86. Non, je t'ai entendu. Il a dit, on est plusieurs, t'as dit 86. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sauver la jeune demoiselle et qui va dire 87? 90! T'as dit 90. T'as dit 90. T'as sauvé la jeune demoiselle, t'as dit 90. OK, pour vrai, 90. Oh. C'est bon, c'est bon. Alors moi, je dis 90 parce que je la veux vraiment. Puis si tu veux continuer à bider, on pourra en discuter. Alors 90 une fois. Wow! Ça fait des boules à 5 piastres, ouais. Moi, pour non, 5 piastres, on s'est dit que ces boules valent entre 6$ et l'infini. OK, on garde des bits sérieux, s'il vous plaît. Moi, je la veux vraiment. Alors, je dis 90. Alors, 90 une fois. 90 deux fois. Ah! Et ben voilà! C'est qui a fait ça? OK. Alors, 95 une fois. 95 deux fois. 95 trois fois vendu à Jimbo! Alors, merci à tout le monde d'encourager Douteux. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Tommy Godette, à qui je passe le micro. Hey, merci beaucoup à Guiz de Passionnier, mesdames, messieurs. Come on, on lève les genoux! On tape, tabarnak! Ah oui, c'est vrai. Je passe le micro à mon bon chum Simon qui sonnait. Attention, c'est le VJ de la soirée. Merci, j'ai travaillé fort sur mon temps pas libre pour ça. Es-tu un puits abyssal de conneries? Bon. On a Harf Queen, je voudrais une main d'applaudissement pour Harf Queen, mesdames, messieurs, qui a corrigé vos copies pour ceux qui ont participé. Et c'était du bon travail, mais il y a eu une copie tout bon et c'est, j'appelle HPJ. On applaudit HPJ, l'équipe HPJ qui a gagné... tiens, tu peux te dire ça. Il y a donc un prix qui est associé à ça. Je vais l'apprendre à l'instant. Ben non, je te l'ai dit il y a 3 jours sur Internet, mais s'il faut tout... En tout cas. Donc, l'équipe HPJ gagne un bon pour une visite de 2 personnes au Musée de l'Absurde. Oui, t'es con. Bah oui, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Donc, venez le chercher, j'ai pas que ça à foutre. Merci. On les applaudit, mesdames, messieurs, des gens assidus. Ouais, bah, laisse faire. Hop, voilà. Et donc, les questions pour ceux qui ont loupé le concours, c'était à la fin de quelle trilogie populaire peut-on voir un enfant pointer sa zone? Qu'est-ce qui est parfait pour recoller les posters? C'était du sperme. Quel groupe français a été honteusement plagié par Rick Astley? C'était les 2B3, évidemment. Hey, Scotty. Voilà, même Tommy sait pas. Bravo. Quel animal dangereux? Oui, il est sous. Quel animal dangereux rentre dans les maisons en cassant des fenêtres et en faisant des selles? Voilà. Dans les adaptations françaises de séries américaines, comment appelle-t-on les homosexuels? Des malades, exactement. À quel animal peut-on faire peur la boîte à quel animal peut faire peur la boîte à rire de Christophe Lambert? C'est les chiens. Quelle chaîne de magasins française a su reprendre avec brio Call Me Baby? Décathlon. Au début du set, j'ai mis une bande-annonce, c'était Les Sous-doués. Et enfin, quelle chanson de Dire Straits convient parfaitement pour toutes les scènes de fin de film? C'était The Walk of Life. Voilà, merci d'avoir participé. Je voudrais tout simplement remercier Harf Queen, Olivier, Stéphane Mallette à la technique, Mathieu Parent, qui se reconnaîtra car il est très beau, le Brouha aussi d'avoir géré la crise de place, douteux.org. Ouais, applaudissez pour tous ces gens-là, s'il vous plaît, bordel. Et je souhaite discrètement une bonne fête à Dédé. Merci, bonne fête Dédé, que tu es caché et que personne ne te voit. Merci à vous, des bisous, bon film. Merci beaucoup, Simon Cussonnet, mesdames, messieurs, une dernière fois. Go! Après, on va voir. Régler le dossier Cussonnet. Oui, non, je suis désolé. Il y a des sets de VJ qui vont être bookés à Sherbrooke. À Sherbrooke, le 11 novembre et le 17 novembre à Shawinigan. Voilà. Et je vais être de passage là-bas, donc venez-y, ça va être complet. Merci. Est-ce que tu es en train de nous annoncer que tu t'en vas faire des shows à l'étranger, en dehors du Québécois, vers le terroir? Oui. Bring it, baby, j'adore ça. Tenez-vous au courant sur Simon Ken Guillaume Cussonnet Mallard et tout va être mieux clair. Merci beaucoup, Simon. Là-dessus, je parlerai pas longtemps du film parce que, en fait, le résumé que j'ai mis dans Facebook pour que vous votiez pour... Ah non, je... Avant, là, on a commencé ça, c'était pour écouter des films. Puis là, après ça, on a mis des clips avant. Puis là, après ça, on a commencé à faire un podcast avant. Puis, à la base, c'est le film qu'on écoutait. T'sais, on était bien original à douteux.org parce qu'on mettait un film au complet. Puis, la patente est commencée parce qu'on avait une passion d'archiveur. Parce que, tu sais, les cassettes VHS que t'as, là, c'est des bandes magnétiques qui sont chargées négativement, non, positivement. Et la poussière est chargée négativement, ce qui fait qu'avec le temps, la poussière vient coller les bandes entre elles. Fait que tu mets ta patente dans ton VHS, puis là, les têtes sont plus assez fortes pour décoller ça. Tu complètes... Ici Baz et Seb. Non, vas-y, man. T'avais l'idée. Ici Baz et Seb, vous écoutez le podcast 70%, un podcast sur l'appropriation culturelle. Oyez! Oyez! Oyez! Oyez! Hey, ça fait longtemps que j'ai pas gueulé ça. J'ai déjà été gérant de l'auberge du Dragon Rouge pendant 3 ans. Oh, ouais, c'était capoté, ça. Peu importe ce que le propriétaire de l'endroit essaie de faire en effaçant mon nom et ma présence de tout partout. Je le salue bien bas, d'ailleurs, Martin Gauthier, un homme de qualité. Bienvenue à 70% et à cette nouvelle soirée de visionnement douteux. Mon nom est Tommy Godette et comme pas les deux derniers lundis, mais la majorité des autres, je serai votre hôte pour la soirée. Ça va être une sacrée belle aventure qui va se terminer avec quelque chose qui s'appelle « Tu et tu encore ». C'est un film dans lequel le héros doit aller délivrer une fille au Vietnam et pour ce faire, il décide d'accepter une nouvelle mission et d'aller se battre au Kung-Fu dans un tournoi tout croche de la grande création cinématographique. Ça va être précédé de Simon Cussonnet, Ken Mallard, Ken Guillaume, un homme aux multiples personnalités qui va nous faire vivre des moments. Hein? C'est comment t'appelles ça, Cussonnet? T'appelles ça... C'est ça, des moments copieux. Hein? Hashtag cuisse. Donc, et juste avant ça, on est très content de vous diffuser. En fait, dans le set de VJ, ils vont le mettre, notre affaire. Ouais. On n'a pas parlé avant. Ça va être l'excellent Rémi Fréchette qui va nous présenter son film. Voyez, on a plugué là un ancien artefact en utilisant des fils RCA. L'ancien artefact va faire jouer une bobine qui va tourner et par la magie du câblage, ça va devenir une image sur notre grande toile ici. Ça va être capoté. Les retrouvailles de Steve, un film qu'il a décidé de tourner en VHS plusieurs années après que ce soit plus à la mode le VHS. Chacun ses combats, on est des adultes. Hein? Sinon, on fait un 70% avec les excellents Gaboum Films qui sont ici dans la place. J'ai entendu dire qu'ils étaient pour faire des autographes après le show. On a une place pour prendre des photos aussi, comme en arrière, juste en avant de la vitre avec de la vaisselle sale. C'est là que ça se passe. Donc, pour débuter la soirée, on a un humoriste ce soir, ça va être moi, parce que c'est le même qui m'appelle à... chaque lundi matin, et il y a comme pas de trace en ligne de ma présence du lundi que j'ai manqué, qui m'avait fait enregistrer d'avance. Et donc, je vous fais ma chronique que j'ai fait à CIBL. C'est pas important quand. Je vais débuter la discussion en mentionnant la loi de Poe, P-O-E. Ça fut d'abord écrit en passant aux discussions sur Internet, mais ça me semble avoir un pied dans la réalité non virtuelle de la vie. Plus une position est extrême, plus il est difficile de faire la distinction entre quelqu'un de sincère et quelqu'un qui tente de la parodier. Si t'as pas d'informations, si tu sais pas que je suis un cave qui fait une blague, mon clip de la Terre plate, peut-être que ça passe plus difficilement. Jadis, je vous ai parlé de la Terre plate, un phénomène qui traîne son lot conséquent de trolls avides, de mettre le feu aux esprits plus influençables que cette lubie, je n'oserais appeler ça une théorie, semble attirer. Notez que l'intention des créateurs de l'imbécilité de la Terre plate était originellement de promouvoir l'amour de Dieu. Ce qui est important. La personne qui a créé le pastafarianisme visait quant à lui à remettre en question un cursus d'éducation de l'État du Kansas qui voulait intégrer la thèse du dessin intelligent au cours de biologie. J'aime ça qu'ils appellent ça le dessin intelligent parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses d'intelligentes à propos de cette théorie-là. Parce que comme on n'a aucune idée de l'apparence ou du responsable du dessin intelligent, pourquoi Dieu ne serait-il pas un monstre de spaghettis aux boules de viande très fière et grosse, boule de viande? C'est vrai. C'était en 2005, puis ça j'ai été très surpris quand j'ai fait ma recherche sur le pastafarianisme, ça date de 2005. J'ai l'impression que ça existe depuis tout le temps, moi, l'idée du monstre de spaghettis volant, au moins depuis avant Futurama. En tout cas, le gars s'appelait Bobby Anderson. Il était très loin de se douter de la portée que sa lettre ouverte allait atteindre. Lui, il ne voulait que faire se questionner les créationnistes sur le contour de leurs idées. 2005, pas de blague, j'ai été très surpris d'apprendre ça. Il me semble que tout le monde est au courant de l'existence de cette religion franchement neuve. On dit un gros merci à Internet. Des fois, on dit merci pour autre chose. J'ai dit religion, mais le pastafarianisme est plutôt une contestation franche par l'absurde de la manière dont sont traités les cultes et autres croyances infondées qui ont le mystérieux droit de ne pas payer d'impôts. Les militaires américains peuvent d'ailleurs choisir athée / FSM pour Flying Spaghetti Monster comme religion quand ils s'engagent dans l'armée. C'est un pas en avant pour notre cause en esti, ça. Et c'est ici qu'on fait le lien avec l'actualité, parce qu'on est tout autour du jour parler comme un pirate, c'est en train de s'en venir. Et c'est ici qu'on fait le lien avec l'actualité plus large, parce que le pastafarianisme a été reconnu comme religion officielle en 2014 en Pologne. Comme ça, ils peuvent ne plus payer d'impôts. Ce qui est cave en tabarnak. Pays d'innovation, la Pologne, tout le monde le sait. Ce statut a été perdu quelques mois ensuite, mais le combat juridique se poursuit. Un autre vote devrait avoir lieu avant la fin de l'année. On a aussi plein de belles percées de par le monde. Les Pays-Bas reconnaissent maintenant officiellement la religion et de plus en plus de gens se font prendre en photo officielle avec une passoire sur la tête, ce qui est la coiffure officielle des officiants du culte. Et depuis avril 2016, les prêtres pastafariens peuvent officier des mariages en Nouvelle-Zélande. Entre vous et moi, c'est de loin la meilleure des Zélandes. Ce courant de pensée grandit. Et c'est une bonne chose, selon moi. Comment mieux remettre en question les vieilles institutions qu'en leur proposant une version actualisée de leurs acquis et fonctions? Vous aurez deviné, je suis pas mal agnostique. Je n'ai aucune information pertinente pour me permettre de définir si, oui ou non, une entité toute-puissante me regarde quand je suis aux toilettes. Alors, je préfère m'occuper de choses sur lesquelles j'ai plus de contrôle, comme mes soirées du lundi au brouhaha. Salut tout le monde, merci d'être là. Au final, c'est fou, mais c'est ça. La croyance en cet être parfaitement al dente aux boules rassasiantes qui aurait créé le monde sous s'est avérée et s'avère encore souvent un mur contre la montée des idées creuses dans différentes régions de par le monde. Et juste pour ça, on lui doit tout le monde un gros merci. Merci, Spaghetti Volant, avec tes grosses boules juteuses. Hein? Ramène certains. Donc, vous êtes à 70%. Bruno. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.